19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver après cette petite semaine de vacances radiophoniques, mais enfin bon, qui n'ont pas été des vacances négligeables pour ma part, puisque bah, je vous ai ramené une petite interview des Parisiens de Dreadful Hippies, et j'en ai profité aussi pour revoir une fois de plus ce divin groupe qui est Pendragon, mardi dernier. Bah, d'ailleurs, on vous en parlera un petit peu tout à l'heure, et ce sera une des nouveautés de la soirée. Bah, tiens, justement, puisqu'on parle de nouveautés, il y en aura 4 ce soir. Et puis on va revenir sur ces petites choses un petit peu négligées ces derniers temps. Vous êtes prêts? Bah, j'imagine que oui, parce que bon, moi aussi ça m'a manqué, hein, 8 jours sans vous. On va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés, avec on exclut d'ailleurs pour la France un live de Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd qui est en pleine tournée d'adieu. Mais bon, vous savez ce que c'est que dans le rock'n'roll, hein, les adieux, on y croit des fois pas toujours non plus. Mais enfin bon, quand on voit l'état de santé de Gary Rossington, le seul membre originel du groupe, on peut se dire que oui, là on a des bonnes raisons de se dire que c'est vraiment la fin pour ce groupe quand même qui a marqué quasiment 50 ans de l'histoire du rock américain. Et donc là, ils viennent de sortir un live, un double live enregistré à Jacksonville, donc chez eux, qui est donc accompagné d'un petit DVD sympa que j'ai pas encore eu le temps de visionner plus que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau jeu de lumière, ça joue. Et aussi, bah, le groupe, il est encore en forme musicalement, ça c'est clair. On va se faire donc aller un petit classique déjà pour commencer, Working for MCA. Working for MCA. Just to pay me all my money, and maybe you won't get stuck. How about it? Won't you sign a contract? Won't you sign a deal? Don't give me lots of money, real loud. Looking for we Carnation, qui était un des rares titres récents de sur ce live de Lynyrd Skynyrd, The Last of the Street Survivors Farewell Tour Live, sorti mi-février, qui est donc la première nouveauté de la soirée. Et bah avant, c'était le classique Working for MCA, extrait donc du même live. On continue d'un registre complètement différent avec la deuxième nouveauté de la soirée. Ben oui, je vous l'avais dit en début de soirée, évidemment, puisque je n'étais pas là la semaine dernière, parce que j'étais voir le concert de Pendragon. Donc c'est bien évidemment Pendragon qui sera donc la deuxième nouveauté de la soirée, puisque leur album est tout chaud, tout bouillant. Il est sorti donc le 28 février exactement, qui était le jour donc de la première date de la tournée. Donc pour en revenir au concert de Paris, bah inutile de vous dire que ça a été un petit peu surprenant, parce qu'en fait, Pendragon nous a fait un concert fabuleux qui a duré 2h15. Là-dessus, on n'a pas été déçus, loin de là. Mais toute la première partie a été consacrée justement aux 10 derniers albums, qui s'appelle donc Love Over Fear, si au cas où je l'aurais pas dit, et qui a été joué dans son intégralité. Alors c'était un petit peu curieux, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que bah, la plupart du public était un peu comme moi. Soit il découvrait l'album, soit il avait eu le temps de l'écouter une ou deux fois. Donc c'était plutôt un public qui était attentif et qui écoutait religieusement plutôt que qui ne manifestait sa joie d'être là, quoi. Donc c'était un petit peu particulier, mais enfin c'était pas plus gênant que ça. Et après, bah évidemment, on a eu quelques classiques quand même, principalement extraits des derniers albums, Pure. Man Who Climbs Mountain, on a eu deux extraits de The Window of Life, évidemment aussi un petit extrait de Masquerade Overture. Bon, c'est clair que c'est, quand on a une carrière comme Pendragon, on a toujours un goût de trop peu, voilà quoi. Sinon, le petit bémol quand même, c'est j'aurais préféré personnellement qu'il joue au Divan du Monde, qui est à peu près une salle de la même contenance, mais qui a un petit côté théâtral et une scène quand même beaucoup plus grande qui aurait mieux convenu au groupe, parce que là, la maroquinerie, la scène, ça fait vraiment club de rock. Et pour ce genre de musique, c'est justement au niveau de l'acoustique, ça manquait un peu d'ampleur et on avait une batterie qui était un peu trop forte à mon goût, et surtout des passages où on avait le technicien de Nick Barrett, qui avait beaucoup de passages avec une guitare 12 cordes en acoustique et haute, et qui était quasiment inaudible, noyé dans le reste, ce qui gâchait un petit peu le confort d'écoute, mais sinon un concert vraiment fabuleux, comme le groupe a toujours l'habitude de le faire. Et bien on va découvrir donc ce Love Over Fear avec un extrait justement qui a été joué, bien sûr, puisqu'ils ont joué en intégralité, Truth and Lies. Donc là, très soft, c'est un album vraiment très mélancolique. Je suis encore à sa découverte, pour vous dire. They say the road to hell is paved with good intentions. Goodbye to the age of reason, thought, and right. Down the rabbit hole, deeper and deeper down the rabbit hole. This tangled web of lies we weave when first we practice to deceive. Deep blue eyes see truth and lies. Believe them. would say, but transcend the hunger. Down the rabbit hole, deeper and deeper down the rabbit hole. The light old often enough as soon becomes the truth. chute en douceur et en finesse. C'était donc Pendragon avec son nouvel album Love Over Fear, et c'était Truth and Lies, un des morceaux qui ont été joués donc pendant le concert mardi dernier à la Maroquinerie à Paris, et c'est également donc la deuxième nouveauté de la soirée pour Electric Shock. Bon, maintenant, je pense que vous avez peut-être envie d'un truc qui remue un petit peu plus. Ben, moi, je pensais qu'un petit Creator, un petit extrait donc du Live London Apocalypticon Live at the Roundhouse pourrait le faire. Et par exemple, pourquoi pas Phobia, un titre qui est devenu un classique, pourtant extrait d'un album pas tellement aimé de Creator, puisqu'à l'origine, il figurait sur Outcast, qui était sorti en 1997. Bon, enfin, en live, ça le fait toujours. On y va ? Allez, Creator. Something after you. Convicted in Life. Ça, c'était Sepultura avec un petit extrait du CD bonus qui figure sur Quadra, qui s'appelle Alive in Brazil et qui est extrait d'un concert enregistré en haut, donc comme son nom l'indique, au Brésil en 2015. Vous voyez aussi comme quoi Creator aussi avec Phobia est devenu un classique au fil du temps, et Convicted in Life, bien qu'il soit extrait d'un album qui n'ait pas eu un énorme succès à son époque, puisqu'il était extrait de Dante 21 qui était sorti en 2006, bah en live il retrouve une deuxième jeunesse comme quoi. Donc comme avant vous avez pu le constater, donc Creator, extrait du London Apocalypticon live at the Roundhouse. Ça c'était pour notre petite séquence musclée du moment. Et là, il est 19h30, tout rond sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ben, j'espère que vous êtes mis sur votre 31, parce que pour ce qui va suivre, là, je vous emmène à l'opéra. Donc, pour aller à l'opéra, faut quand même être sacrément bien sapé. Puisqu'on va revenir, tiens, au projet de Blind Guardian, le Blind Guardian Twilight Orchestra, qui est un petit peu une arlésienne qu'on entendait parler depuis presque 20 ans sans en voir le bout. On pensait bien que ça n'allait arriver jamais. Mais bon, finalement, il est arrivé en fin d'année dernière, donc ce projet de musique classicisante. Ouais, je sais pas si ça se dit tellement comme ça. C'est... Oui, enfin, bon, peut-être, enfin en tout cas je l'ai dit, donc de groupe allemand qui donc s'est vraiment fait plaisir et a profité de ça, de son temps de libre, pour faire enfin cet album qui s'appelle Legacy of the Darklands, dans un registre très heroic fantasy. C'est vrai qu'on verrait bien cette musique en fond en regardant Le Seigneur des Anneaux. Allez, avant d'aller à l'opéra, tout de suite, petite intro, 1618 Overture. Vague. Encrypted are these words of old. It is a play, an insensation for foolish dreamers. This age of not knowing is endless. Its reign is eternal. Thus, there is a way. There must be. Disgraceful suffering. That might be to their liking. I was promised truth. But our league is broken. Your passion for these earth creepers. It is beyond compare. They still insist on blaming me, though it is him who stole the light. I believed in the power of the throne. Yes, we once were protectors, guardians. But that is long gone by. We are myth. Not more than a myth. Go. Curse the world, for what we are is what we are. Our true nature is not of matter. Resistance shall be thine. Your wish, it shall be granted. This battle is not over yet. Warrior! Warrior! Ne bidouillez pas votre poste, je vous assure, vous êtes bien sur le 96.2, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel et c'est bien Electric Shock. Et oui, là c'était Electric Shock, c'est mué en Classic Shock, le temps de passer quelques extraits de Legacy of the Darklands, le projet symphonique de Blind Guardian Twilight Orchestra. À l'instant, on a eu War Feeds War, la petite intro parlée c'était The Gaswing et avant c'est la petite, encore la pré-intro, c'était 16 Overture, 18 Ouverture. Voilà, extrait donc tout ça du même album sorti en fin d'année dernière. Après ça, eh ben tiens, on va retrouver l'ami Hansi Kurk de Blind Guardian avec son autre projet aussi, beaucoup plus heavy, qui est tout chaud, tout bouillant. C'est le troisième album de Demons and Wizards que je vous ai présenté il y a de ça deux semaines. Et ce nouvel album qu'on attendait plus beaucoup non plus parce que le précédent datait quand même d'il y a maintenant 15 ans. Non, un peu moins quand même. Presque 15 ans puisqu'il était sorti je crois en 2006. L'association donc de Hansi Kurk avec John Schaeffer, le guitariste de Heisters, hein, il a fallu qu'ils trouvent un moment pour s'accorder vu l'emploi de temps quand même très chargé de leurs deux groupes. Et on l'a eu enfin, leur troisième album intitulé tout simplement Free. On n'est pas dépaysé, hein, musicalement c'est toujours la même chose, du gros, du heavy, des choses plus épiques comme on a pu l'avoir avec Diabolique par exemple. Un morceau un peu plus rock, un peu plus surprenant quand même quand on connaît le groupe, avec ce, par exemple The Meadows Disease qu'on va s'envoyer tout de suite maintenant. Are you lonely, three, four? Waouh, putain, ça faisait vraiment un bail, ça faisait oui des années, oui peut-être bien 10 ans que je n'avais pas écouté ça au moins, et pourtant c'est toujours aussi bon, et c'était The Headless Children, extrait de l'album du même nom de Wasp, sorti en 1989. Waouh la vache, putain, ça, je prends un coup de vieux là, on est écoutant ça. Et avant par contre, beaucoup plus récent, puisque c'est sorti là, il y a 15 jours, 3 semaines, le troisième album de Demons and Wizards, intitulé tout simplement Free, hein, pourquoi faire compliqué, et le morceau Midas Disease. Et bien maintenant, tiens, on va se faire un petit peu de méchant, de trash black death, comme disait Fred, mais ça, j'arrive pas à le faire. Et on va revenir avec ce groupe issu de l'underground parisien des années 90, Hatred Dusk, qui a fait son grand retour avec son premier album, éponyme, avec un morceau, ouais, ça porte bien son nom, Unleashed the Dogs of War. Yeah. Petit tour en Provence, Côte d'Azur, plus exactement d'Antibes. Et tiens, ça faisait plaisir de retrouver Swarm et leur album Anathema et le morceau The Deed Is Done. Et là, c'est les revenants des années 90, Hatred Dusk, avec leur premier album éponyme, et c'était Unleashed the Dogs of War. On va se faire une nouveauté maintenant, la troisième de la soirée, quelque chose de beaucoup plus soft, avec le groupe Elfika. Bon, avec un nom comme ça, j'imagine que vous avez compris tout de suite de quoi il s'agit. Oui, c'est de métal symphonique à chanteuse, qui vient de sortir son premier album le 28 février 2020. Bon, il était disponible depuis un petit peu déjà en sortie digitale depuis mi-janvier. Donc le groupe existe depuis 2013, et voilà, il s'appelle... Et il vient de sortir donc son premier album. Ils ont déjà sorti plusieurs démos. Et Elfika, c'est, ben j'espère que c'est parce que c'est un genre maintenant qui est un petit peu en désuétude, qu'ils arriveront un petit peu à percer, parce que malheureusement, quand on pense à des groupes comme Wisdom ou Benighted Soul, qui sont quand même assez talentueux, mais malgré tout, on peut pas dire qu'ils arrivent à trouver vraiment leur public, et pourtant, ils sont pas dénués de qualité, ces groupes-là. Ben espérons qu'Elfika, ils arrivent à conjurer le sort, parce que c'est vrai qu'on commence à en parler un petit peu dans l'underground. Donc, ben, si vous avez envie de découvrir leur premier album qui s'appelle Secretum Secretorum, oh putain, ça me rappelle le latin quand j'étais à l'école. Eh bien, c'est maintenant avec le morceau Angel. Rising, only the rain can touch. There's something going down to you. It's getting warmer and it's getting happier too. It's your angel. Ce premier album de Elfika qui s'appelle Secretum Secretorum et c'était le morceau Angel. Bah tiens, maintenant va revenir à quelque chose de plus rentre dedans, au live de Paul Di'Anno, Hell Over Waltrop Live in Germany, sorti donc au mois de février. Et ce live contient donc un concert de 2006 enregistré plus à la fête au village que dans un concert de hard rock. C'est peut-être pour ça que l'ami Polo est déchaîné comme jamais, hein, comme si vous vous rappelez des extraits qu'on a passés ces dernières semaines. Et qui, pour une fois, sur la setlist, il ne capitalise pas sur son glorieux passé avec Maiden, et il en profite quand même pour jouer quand même à peu près 50% des extraits donc de sa carrière en solo. Eh bien, par exemple, figure sur ce live un petit Marshall Lockjaw extrait de l'album Murder One qu'il avait sorti en 92 sous le nom du groupe Killers. Ben oui, on ne s'en fait pas. Et ça, en live, ouais, ben, ça vaut son petit pesant de cacahuète. Allez, tout de suite, Paul Di'Anno. Marshall Lockjaw! You must have made a look. My brother and I, say yes. track from the new album, The Living Dead. This is the song called The Living Dead. Duh. Shadows fall, a cold wind blows, stand alone, thousand voices, ghosts that call my name. Gracias. Tears came once, so long ago. Enough of love, my heart was cold. Now in this life, I just don't know how to love. Falco! I have no Thank you. That was my fault. I fucked up. The Living Dead, c'était Paul Di'Anno, et ça c'était un extrait donc de son dernier live, Hell Over Waltrop, live in Germany. Et juste avant, c'était donc Marshall Lockjaw, donc deux extraits de ce live, et qui pour une fois donc ne fait pas que reprendre des morceaux de son Iron Maiden, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, à propos d'Iron Maiden, tiens, petite info, dans 15 jours, je recevrai les Iron Troopers qui nous parleront normalement de la 5e édition du Trooper Fest et de plein d'autres choses. Donc, vous savez, réservez donc dans vos agendas, donc mardi 24, super émission en perspective. Comme toujours d'ailleurs, hein, bah ouais, soyons modestes. Bon, maintenant, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock et on va revenir donc au projet Brothers of a Feather, qui était sorti en 2007, mais qui vient de ressortir. Donc, moi, comme pour moi, c'était une découverte que je vous l'avais dit, que je l'avais présenté. Donc, voilà, ça a tout à fait sa place en nouveauté. Donc, les deux frères Robinson des Black Crowes, qui, en acoustique, revisitent leur répertoire et des morceaux inédits. Bah, tiens, si vous aimez les Black Crowes, sachez qu'ils se sont reformés et que là, ils sont en tournée actuellement aux États-Unis et ils interprètent l'intégralité de leur album culte, qui était Shake Your Money Maker, sorti il y a de ça 30 ans, et qui viendront normalement nous rendre une petite visite en France au mois de fin octobre, je crois, c'est le 27 ou le 28, je sais plus très bien, à l'Olympia. Ça promet d'être intéressant. Enfin, en attendant de voir les frères Robinson, on va se délecter de ce Forgiven Song, donc là, très cool, acoustique, là, on change vraiment de registre. So I'm going to do one of my songs, it's called Forgiven Song. The tears in my hand, watch the world as it sinks in the sand. Will the bells chime for the wrong? Will we stop before too long? You bring the letter, till the right time for me to be better. So please be patient. I see the world through the eye of you. Thank you. get through the day. Stop the bleed of our patron saint. Ponder questions of right or to this forgiven song, you bring the letters, I'll bring the wine. We'll keep on looking until the right time. So please be patient till I see the world through the eyes of you. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Acoustic, non pardon, Electric Shock, l'émission métal du mardi soir. Ça c'était donc la parenthèse Acoustic Shock à l'instant, avec les frères Robinson des Black Crowes, sous le nom de Brothers of Favor, extrait d'un album intitulé Live at the Roxy, c'était Forgiven Song. Ben maintenant, on va se faire quelque chose d'un petit peu plus heavy que vous devez commencer à connaître si vous avez écouté l'émission ces dernières semaines. C'est les Parisiens de Silver Stage et leur premier album très orienté hard rock, heavy metal, début des années 80, avec leur premier album donc Hearts and Bowls. Allez, tout de suite, on va s'envoyer Rise. Down. The good blows your mind. Watch out for me. Cette voix inimitable, bien sûr, ça ne peut être que Biff Bifford, le chanteur de Saxon, et sa petite escapade solo, ouais, qui s'appelle School of Hard Knocks, que je vous ai présenté avec un jeu, et là, c'était Welcome to the Show. Et Biff Bifford, eh ben, il va faire quelques concerts en solo. Il sera, par exemple, au Forum de Vauréal dans le 95, le 15 mai prochain, donc si vous avez envie d'aller le voir, voilà. Juste avant Biff Bifford, c'était par les Parisiens de Silver Stage, leur premier album Earth and Balls, et c'était le morceau Rise. Et bien maintenant, changeons un petit peu de style avec quelque chose de plus actuel, va-t-on dire, avec du HRSE, heavy rock simple et efficace. Et ben on va revenir au premier album Rover des Dreadful Hippies. Dreadful Hippies, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, c'était mercredi dernier, donc on les retrouvera peut-être. J'aurai peut-être l'occasion de vous présenter l'interview que j'ai eu la chance de faire avec eux, des jeunes gens très sympathiques. Peut-être la semaine prochaine, ou sinon ce sera incessamment sous peu. Voilà, donc vous savez ce qui vous attend prochainement. En attendant, un petit extrait de Rover, Number One, Stand Off. If I can't teach you one way, I'll teach you another. But I'm gonna get the job done. And any man that doesn't want to cooperate, I'll make him wish he hadn't been born. Steven Sugar like a kid. Well, they whip kids to teach them better. They what? Well, here's my word. Get the hell off my spread. Now. I'm feeling like a thunder, and I just can't look away. Who are you, I wonder, as I cling to every word you say. You twist my mind and body, a passion we never felt before. I don't know what it might be, but I'm still here, eager in for more. My heart. I had to scream and shout to let this whole thing out, but something sealed my mouth as you made my whole world inside out. My heart, nothing more, just a piece of my heart, and nothing more. I want you to feed off my heart, can't get enough your piece of my heart. I want you to mark me as your own, every inch of skin and every bone. I want you to tear me apart, leave me a mess, we'll be good for a start. I want you to hear me scream my name. Of my heart, nothing more, just a piece of my heart. Petit tour en Hongrie avec Continuum, bon, qu'on avait un petit peu négligé ces derniers temps, et leur album Not My War sorti l'année dernière, c'était Scream My Name. Plus proche de chez nous, puisqu'ils sont de la région parisienne, les Dreadful Hippies et leur album Rover et le morceau Number One de Stand Off. Voilà, et puis je vous rappelle que les Dreadful Hippies, on devrait les retrouver normalement la semaine prochaine en interview exclusive pour Electric Shock. Voilà. Eh bien, il va être temps de faire la quatrième et dernière nouveauté de la soirée avec un nouveau live de Blue Oyster Cult. Ouais, comme je vous l'avais dit il y a de ça un mois, Blue Oyster Cult, ils n'ont pas longtemps, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait parler d'eux, mais là, ça y est, ils y vont, ils sont remontés à bloc, puisque là, au mois de février, nous avons eu droit à donc deux albums, la réédition d'une compilation sortie des années 90, que le classique, et la sortie d'un CD DVD live Hard Rock Live Cleveland 2014, dont on a passé d'ailleurs pas mal d'extraits, puis bon, je pense qu'on en repassera d'autres prochainement, hein, il n'y a pas de raison. Et vendredi aussi, une nouvelle sortie avec deux nouveaux albums, enfin de nouveaux. La réédition de l'album Heaven Forbid, qui était sorti en 1998 et qui est introuvable maintenant. Donc leur nouveau label Frontiers l'a ressorti. Et un autre live, un petit peu particulier, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que la captation live de l'intégralité de l'album culte de... Ouais, culte pour Blue Oyster Cult, c'est facile. Qu'est Agents of Fortune, qui était sorti en 1976. Donc là, ça a été enregistré en 2016. C'est pareil, c'est un CD-DVD qui ne contient que cet album joué dans son intégralité. Alors c'est joué un petit peu de façon particulière, puisqu'en fait on a plutôt l'impression de voir le groupe dans sa salle de répétition. Bon, d'accord, au niveau éclairage, c'est quand même équivalent à une petite salle de concert. Par contre, le groupe ne joue devant aucun public. Donc ça fait bizarre, parce qu'on n'entend quasiment pas d'applaudissements. Les seuls applaudissements qu'on entend, c'est des techniciens. Bon, voilà, c'est comme ça. Et bah, sinon, bah, sur ce DVD, donc, figure pas tout à fait l'intégralité de l'album, puisque The Scent de Summer of Love ne figure pas dessus. Allez savoir pourquoi il figure sur le CD, mais pas sur le DVD. Mystère. Sinon, vous avez droit aussi à une très longue interview de culte, en plus, voilà, quoi. Donc, cet album s'appelle 40th Anniversary Agents of Fortune Live 2016. Et on va se faire un petit classique. Bah, quand on pense à cet album, on pense évidemment à Don't Fear the Reaper, mais aussi à un autre morceau qui est un classique, c'est ETI, Extraterrestrial Intelligence. Thank you. The Revenge of Vera Jiminy, et juste avant ETI Extraterrestrial Intelligence, donc deux extraits du CD DVD Live 40th Anniversary Agents of Fortune Live 2016. Voilà pour les 40 ans de cet album, vraiment indispensable. Et pour l'occasion, d'ailleurs, la formation actuelle de Blue Oyster Cult a fait appel à Albert Bouchard, l'ancien batteur qui vient donner main forte, qui vient prêter, jouer de la guitare de temps en temps et aussi chanter sur quelques morceaux comme il faisait sur l'album, comme vous l'avez pu l'entendre, là, sur The Revenge of Vera Jiminy. Oh, il ne reste plus beaucoup de temps. Allez, on se fait un dernier morceau pour terminer. Eh ben, on va revenir au dernier album de D-Lane, Apocalypse and Chill. Et je pense que Burning Bridges, ouais, ça va nous emmener jusqu'à la fin de l'émission. Forever, we are on to each other. Burning Bridges de D-Lane. Voilà, donc ce sera le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Ben, merci encore d'avoir suivi cette émission. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine avec bien sûr d'autres nouveautés puis quelques surprises, bien évidemment. Ben, d'ici là, je compte sur vous pour faire attention à vous, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous dis à mardi. Salut à tous.